Chapitre 3e. En montant l'escalier, une idée singulière traversa mon cerveau. C'était depuis le commencement de la semaine, le 4e jour, que je rentrais ainsi après minuit. Mon concierge devait concevoir médiocre estime de ma vertu. Ceci me fit rire. Je ne me souciais de réveiller personne. Je tirai ma clé de la poche et avec des précautions fis jouer le ressort de la serrure. J'entrai. L'antichambre, la salle à manger, que je traversais, en m'éclairant d'une bougie prise sur une console à l'entrée, me parurent sombres, froides. Je ne sais quel remords m'assaillit, comme si tout à coup j'avais honte du bourgeoisisme auquel je m'étais volontairement condamné. Et dans une évocation instantanée, je vis loin, bien loin, sous un ciel bleu lumineux, une petite maison penchée sur les bords d'un lac, avec un portique aux colonnettes enlacées de fleurs, encadrant la charmeresse silhouette d'une jeune femme blonde et souriante. Je vins dans mon cabinet où, depuis quelque temps, j'ai, dans une alcôve ménagée à l'aide de tentures, fait disposer un lit pour les jours où je rentre tard, comme aujourd'hui. J'allumai ma lampe, devinant bien que je ne m'endormirais pas facilement. Je profiterai de mon insomnie pour mettre quelques comptes en ordre. Mais avant de m'installer, j'allai, ainsi que j'en avais l'habitude, vers la chambre de ma femme afin de lui dire bonsoir. Je ne tenais pas à l'éveiller, ce soir surtout. Je poussai donc avec précaution la porte qui glissa sur le tapis. Dans le grand lit, très large, la tête de ma femme m'apparut un peu pâle. Les yeux fermés avaient des ombres faiblement bistrées. Elle était étendue de biais, son corps occupant pour ainsi dire nos deux places, celle que je ne venais plus prendre depuis assez longtemps déjà. Elle dormait profondément, et je ne sais quelle perversité inconsciente me porta à la considérer plus attentivement. Pourquoi ne pas l'avouer? Je songeais à Sarah et je comparais. Ma femme a les cheveux noirs très épais. Elle se coiffe simplement, et la ligne correcte et brune encadre bien ses traits délicats, ses grands yeux, son nez fin et droit. Il y a en Sarah la blonde quelque chose de léger, de fantaisiste, d'aérien, pour ainsi dire, que je ne trouve pas en ma femme, plus belle évidemment, mais sans cette pointe d'originalité qui est le piment de la beauté. Je la regardais, et en cette contemplation j'éprouvais une sensation étrange, inexplicable. C'était bien elle, et pourtant il me semblait subir l'attraction singulière qui vous saisit au seuil d'un mystère. Elle, toujours immobile, ne sentait pas mon regard attaché sur elle. Elle respirait un peu fortement, et parfois le souffle régulier se brisait d'une expiration plus longue qui ressemblait à un soupir. Ses lèvres rouges et jeunes étaient légèrement entr'ouvertes, laissant voir l'émail des dents très blanches. Il y avait là comme une tentative de sourire arrêtée en une contraction plutôt douloureuse, et à la frange des sourcils, la lueur de la veilleuse attachait une lumière qui semblait la filtration d'un regard immobile et attristé. Pourquoi restais-je là, debout, sans un mouvement, les yeux rivés à ce front blanc? Je ne sais quelle étrange pensée me hantait. J'aurais voulu que mon regard eût la puissance de pénétrer dans cette petite tête qui, j'ignore pourquoi, me paraissait en ce sommeil revêtir un caractère énigmatique. J'aurais désiré, ardemment désiré, savoir où vaguait cette pensée, errante dans le rêve. C'était comme une hantise qui s'imposait à moi et à laquelle je ne pouvais me soustraire. Cette curiosité avait surgi en moi soudainement, sans qu'il me fût possible d'en formuler l'objet. Il y avait sur mes lèvres des questions dont je n'eusse pas été capable de préciser le but, et avec une anxiété qui pesait sur moi comme une souffrance, j'attendais du silence une réponse à une interrogation non encore émise. Pas un signe n'indiquait que le réveil fût proche, que l'instinct même l'avertit de ma présence. Pourquoi m'obstiner à rester là? Avais-je donc l'intention de l'éveiller? Non, au contraire, j'étais enveloppé moi-même par l'engourdissement, ambiant en cette chambre qu'emplissait un parfum très doux, que je reconnaissais et qui bien souvent, en des jours passés, m'avait mis au cerveau une sorte d'ivresse. C'était là, sans doute, ce qui me troublait. À ce moment, et comme, avec de grandes précautions, je me détournais pour regagner mon cabinet, mon regard tomba sur un petit meuble italien, en bois d'olivier incrusté d'ivoire, que je lui avais achetée à Naples en notre premier voyage. Sur la façade supérieure, des cannelures couraient, encadrant les tiroirs étroits et aussi deux portes qui glissaient sous la pression d'un ressort. Et soudain, brutalement, mon œil fut accroché par quelque chose d'anormal. Au-dessous des deux portes régnait une plainte pleine où l'artiste avait figuré une course d'Amazone lancée sur des chevaux, le sein nu, le carquois aux épaules. Or, juste au milieu de cette plainte et coupant en deux une des figurines, je voyais quelque chose de blanc. Oh, presque rien, une ligne seulement, mince comme un trait de craie, blanche aussi. Qu'était-ce là? J'étais sous l'influence d'une sorte de névrosisme qui grossissait les impressions jusqu'à leur donner une acuité maladive. Cette ligne blanche, qui était là, où elle ne s'était jamais trouvée, me produisait un effet pénible. Étouffant attentivement le bruit de mes pas, j'allai au meuble, ayant l'intention formelle de la faire disparaître, persuadé d'ailleurs que le glissement du doigt suffirait. Mais ma main y touchant sentit que ce que j'avais pris pour un trait était un corps résistant. Je me courbai, retenant mon haleine, regardant. Et je vis ceci. L'extrême rebord d'une feuille de papier s'était glissé de l'intérieur à l'extérieur. Or, en ce point même du meuble, je savais, je croyais savoir, qu'aucune case, aucun tiroir n'était ménagé. J'avais moi-même choisi, examiné, acheté le gracieux bibelot, et le marchand, faisant jouer devant moi ses divers compartiments, m'avait dit, je m'en souvenais, comme si c'était hier, que cette plainte recouvrait une partie pleine. Donc il m'avait trompé, ou s'était trompé lui-même, car maintenant j'avais la preuve qu'il y avait là un recoin vide, puisque c'était de lui que sortait ce bout de papier. Délicatement, de mes ongles que je porte assez longs, je saisis l'extrémité de la feuille et je tirai à moi, mais avec assez de lenteur pour que la déchirure ne fût pas à redouter. Mais alors, sous la traction, une lamelle de bois obéit à l'effort, tourna sur elle-même et je vis qu'entre les deux planchettes, soutenant les tiroirs d'au-dessous et d'au-dessus, était ménagé un espace long et étroit, véritable cachette, dont rien ne pouvait du dehors faire deviner l'existence. Et dans cette cachette, se trouvaient des lettres. Une indicible étreinte me serra le cœur, en même temps que dans tout mon être mon sang se glaçait. Sensation intime de froid, à la fois atroce et affadissante. Et cependant je n'eus pas un mouvement brusque. Sans que ma volonté eût aucune part à mon action, obéissant à une impulsion toute mécanique et qui se réglait d'elle-même, je repoussai la lamelle qui, avec un déclic sourd, reprit sa place. Puis tenant les lettres dans mes doigts crispés, je repassai devant le lit, sans tourner la tête cette fois. J'atteignis la porte, que je refermai derrière moi, sans faire le moindre bruit. Et je me trouvai dans mon cabinet, assis à mon bureau, avec devant moi, sous le rayon blanc de ma lampe, ces feuillets, que je ne dépliais pas encore, étant envahis pendant cette minute par une lâcheté que je n'avais pas encore l'énergie de combattre.